Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 13. Malheur accablant de Babylone, qu'a vu Isaïe, fils d'Amos. Sur une montagne couverte de nuages, levez un étendard, haussez la voix, levez la main, et que dans ses portes entrent les chefs. Moi j'ai donné mes ordres à mes sanctifiés, et j'ai, dans ma colère, appelé mes forts qui exultent dans ma gloire. La voix d'une multitude sur les montagnes est comme celle de peuples nombreux, voix retentissante de rois, de nations réunies. Le Seigneur des armées a commandé à la milice de guerre, à ceux qui venaient d'une terre lointaine de l'extrémité du ciel. Le Seigneur et les instruments de sa fureur s'avancent pour perdre entièrement toute la terre. Poussez des hurlements parce qu'est proche le jour du Seigneur. Il viendra du Seigneur comme une dévastation. À cause de cela, toutes les mains seront affaiblies, et tout cœur d'homme se desséchera et sera brisé. Des tourments et des douleurs les tiendront. Ils souffriront comme une femme en travail. Chacun regardera son voisin avec stupeur. Leurs visages seront comme des faces brûlées par le feu. Voici que le jour du Seigneur viendra, cruel et plein d'indignation, et de colère et de fureur, pour réduire la terre en solitude et en exterminer ses pécheurs. Parce que les étoiles du ciel et leur splendeur ne répandront pas leur lumière. Le soleil s'est couvert de ténèbres à son lever, et la lune ne luira pas dans sa lumière. Et je visiterai les crimes de l'univers, ainsi que l'iniquité des impies. Et je ferai cesser l'orgueil des infidèles, et l'arrogance des forts je l'humilierai. L'homme de haute condition sera plus précieux que l'or, et l'homme de basse condition plus précieux que l'or le plus pur. De plus, j'ébranlerai le ciel, et la terre sortira de son lieu, à cause de l'indignation du Seigneur des armées, et à cause du jour de la colère de sa fureur. Et elle sera comme une daine fuyant, et comme une brebis, et il n'y aura personne qui la réunisse. Chacun retournera vers son peuple et les uns après les autres dans leur pays s'enfuiront. Quiconque sera trouvé sera tué, et quiconque se présentera tombera sous le glaive. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. Et voilà que moi je susciterai contre eux les Mèdes, qui ne chercheront pas d'argent et qui ne voudront pas d'or. Mais de leurs flèches ils tueront les petits-enfants. Et ils n'auront pas pitié des saints qui allaitent, et les fils, leur œil ne les épargnera pas. Et cette Babylone, glorieuse parmi les royaumes, illustre orgueil des Chaldéens, sera renversée, comme le Seigneur renversa Sodome et Gomorre. Elle ne sera jamais habitée, et elle ne sera pas rétablie dans la suite des générations. Et l'Arabe n'y dressera pas ses tentes, et les pasteurs n'y reposeront point. Mais les bêtes sauvages s'y reposeront. Et ces maisons seront remplies de dragons, et les autruches y habiteront, et les boucs y bondiront, et les hiboux y répandront dans ces édifices, et les sirènes dans ces palais voluptueux. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.